Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. J'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine, Maxime, mais ça l'a vraiment valu la peine parce qu'on a eu droit à du bonbon. Vraiment du bonbon. Du bonbon? T'as été dans une bonbonnerie? Non, une pas confiserie. De confiserie en fin de semaine. Non. C'était WrestleMania qui était diffusé. C'est vrai, en plus, t'avais tout fait tes prédictions. J'avais tout fait mes prédictions. Ouais. Malheureusement, je m'en souviens plus parce que j'ai pas réécouté le podcast depuis. Et, en même temps, c'était une longue section de prédictions. Ça a genre une demi-heure passée. Là. Bon. Non, je comprends à la maison, ça a probablement été long pour vous autres aussi. On va passer en revue les matchs et vous dire un petit peu mon point de vue en 30 secondes maximum pour chaque match pour qu'on puisse faire une belle chronique WrestleMania, post-WrestleMania 33 soleil. Donc, Cruiserweight Championship, ça a été le premier match qu'on a présenté dans la soirée, c'est Neville contre Austin Aries. Neville a conservé sa ceinture, je l'ai pas vu le match, fait que je peux pas le commenter. Ok, ça c'était-tu en pré-show ou c'est vraiment en pré-show? C'était okay. Pendant le kick-off. Ok. Le deuxième match, c'était le Andre the Giant Memorial Battle Royal. Ouais, ça s'est bien passé, finalement. J'ai même pas vu le match non plus, parce que j'ai remarqué les deux premiers. J'ai vu le troisième match du pré-show, parce qu'il y avait trois matchs dans le pré-show. C'est Mojo Rawley qui a gagné. Je comprends pas pourquoi. C'est un gars qui est en équipe avec Zack Ryder, mais moi, je le trouve tellement pas bon, là. C'est un ancien joueur de football. Tout ce qu'il fait, c'est courir dans le ring, puis donner des coups d'épaule au monde, là. Il fait juste ça, là, puis il crie, puis il y a des bords de football dans la face. Dans un an, il sera plus dans WWE, puis il y a personne qui va s'en souvenir. Hein. Peut-être, mais Rob Gronkowski était là, c'est un joueur de football, là, qui joue au football, là, puis il a aidé Mojo Rawley à gagner. Bon. Et le troisième match, c'était championnat intercontinental entre Dean Ambrose et Baron Corbin. Très décevant comme match, parce que Dean Ambrose et Baron Corbin, je m'attendais à ce qu'ils livrent un match assez technique. Baron Corbin, je voyais beaucoup d'avenir en lui, puis hier, ils m'ont pas prouvé, malheureusement, que c'est ça qu'on devrait voir de sa part. Dean Ambrose a gardé sa ceinture, je suis pas tout à fait surpris. Je pense que Baron Corbin, éventuellement, va finir par gagner la ceinture intercontinentale, mais rien de très impressionnant dans ce match-là. Quelque chose de classique, là. Ouais, assez classique, assez plate, straightforward, pas d'objet pantoute, finalement. On avait prédit qu'il y avait sûrement des objets dans ce match-là. Il y en a pas eu. Finalement, c'est Dean Ambrose qui garde sa ceinture. On a joué une game de WWE 17 pendant ce temps-là parce que c'était 3 nuits. Hey, je vais te faire une petite anecdote. J'étais au Nadishcon en semaine dernière. Ouais, j'ai participé ouais. à la convention Féminité des trucs avec Ludia, c'était bien correct. Oui. Puis, dans la salle de jeu, dans le coin, quand j'ai été manger le dimanche, il y avait du monde qui jouait à The Awakening. C'est vrai? Hein oui, c'est donc bien cool. Je pensais vraiment pas voir du monde jouer à ce jeu de lutte-là. J'étais comme, eux autres, ils connaissent ça. Mais c'est à peu près le seul jeu, genre, qu'on aime vraiment beaucoup de lutte, puis que le monde connaît pas vraiment. C'est vrai. Prochain match, le premier match du show, AJ Styles contre Shane McMahon. Combien je me suis trompé. Ça a été probablement le match pourri, là. Oui, je suis sûr que ce serait pourri. Finalement, ça a probablement été le match de la soirée. Je pense mon match préféré dans toute la soirée. AJ Styles a vraiment fait bien paraître Shane McMahon avec sa technique de lutte foudroyante. Puis Shane McMahon a essayé des nouvelles prix, c'est cool. Tu sais, on disait ça puis on se trouvait très très drôle. On disait hier parce que là, en tout cas, peu importe, on disait pendant le show Shane McMahon, on a l'impression que c'est un lutteur que tu viens de créer puis qui débloque des moves à mesure que tu fais. Shane McMahon, c'est le tutorial. C'est le tutorial man. C'est ça. Non, tu sais comment il s'appelait le boxeur là dans The Beginning? C'était pas le pugiliste exactement. Il ressemblait à ça, mais il y a eu des moves vraiment absolument incroyables. Il y a eu des échanges de coast to coast là. AJ Styles qui a essayé de sauter de l'autre bord, qui a reçu un coup de poubelle, c'était malade là. Pour vrai, c'était incroyable. Les objets. Oui, il était là. AJ Styles a fini par gagner. Un match vraiment impressionnant. J'étais très très content de voir ce match-là. Kevin Owens contre Chris Jericho. Sans grande surprise, Kevin Owens gagne la ceinture de Chris Jericho. C'est drôle parce qu'on a rentré puis il y avait du monde qui ne connaissait pas la lutte qui était là. Puis on a dit, vous allez voir, Kevin Owens, il lutte contre Bon Jovi à soir. Parce que Chris Jericho ressemble vraiment à Bon Jovi. Ben oui. Puis les autres, ils étaient comme, ben oui, c'est Bon Jovi. Nous autres, on trouvait ça très, très drôle. Kevin Owens a gagné. Chris Jericho s'en va tourner avec son groupe. Fait que c'est pas surprenant. Ça a été un match correct, là. Ça n'a pas été le meilleur match de la soirée, mais ça a été divertissant, là. Il y a eu des bons échanges de coups. Puis Kevin Owens a été sans pitié pour son ancien partenaire. Il l'a fait un powerbomb là, sur le bord du ring. Là. Ça, nice. C'est une de ses belles prises qu'il fait, je trouve. C'est vraiment cool. Juste pour avertir les gens, là, vous avez entendu des bruits. On commence une nouvelle chronique-là dans notre snack, qui n'est pas enregistré. Dans notre snack, exact. Oui, elle est enregistrée pendant qu'on mange notre snack du lundi avant l'impro. Fait que c'est pas pendant notre période d'enregistrement officielle. Vous allez avoir quelques chroniques comme ça. Ça va arriver une fois de temps en temps. Fait que si vous entendez des trucs normaux, c'est normal. Faites-vous-en pas avec ça. C'est le gars en régie qui bouge les chariots. Le Raw Women's Championship Fatal 4-Way Elimination Match. Bayley contre Sasha Banks, contre Charlotte, contre Nia Jax. Bayley garde sa ceinture. C'est long comme titre de match. Ouais, c'est vraiment long, effectivement. J'étais soufflé, je pense que je vais prendre ma pompe. C'est bon, excellent. Bayley garde sa ceinture, dis-je. Il y a plein de spoilers là-dedans. On aurait dû prévenir le monde, je pense. Non, mais on fait un retour de match. Ouais, c'est de vrai. De carte, là. Mais c'est vrai. Si le monde n'a pas compris, rendu ici, qu'on disait les résultats. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, mais c'est parce que le kick-off, ils ont pu le voir, mais le reste, peut-être pas. Ouais. Ceci étant dit, Nia Jax a éliminé la première, ça a été vraiment hot, ils l'ont comme team bang là, les trois là dessus, mais elle a bien battu pour une fois là, je trouve que Nia Jax a livré une bonne performance. Après ça, Sasha Banks a été éliminée par Charlotte, ils ont été vraiment donné un spectacle de la mort là, les Bayley, Sasha Banks, Charlotte. La fin a été un petit peu moche, ça a pas été, ça a été correct là, mais je pense que la fin aurait pu être mieux travaillée. Tu sais, ils ont fini avec une descente du coude à la Macho Man là, tu sais, ça a été le finish. Ah ouais, c'est bien weird. C'est quand même weird. Puis Bayley est rentré justement avec un accoutrement qui ressemblait beaucoup à, voyons, à Macho Man. Fait que c'est, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... Ouh, yeah! Est-ce que tu penses que c'est la meilleure génération de femmes qui est en train de se développer en ce moment? Ah, tellement. De l'histoire? Tellement. Ben, je vais dire, probablement de l'histoire, oui. Mais en tant que tel, tu sais, j'ai jamais vu lutter non plus les anciennes, là, la Fabulous Moula. J'ai jamais vu lutter vraiment. Jacqueline non plus, tu sais. Les grandes de ce monde, je les ai pas vraiment vues. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que oui. Mais je ne peux pas me prononcer. Alors, remarque, tu sais, j'aurais tendance à dire que oui, pour la simple et bonne raison que j'ai plus d'engouement pour les matchs de femmes que pour les matchs d'hommes présentement en lutte. Là. Non, c'est rendu sérieux de même. Fatal 4-Way Ladder Match. À base, c'est supposé être trois équipes et finalement, surprise, une quatrième équipe est rajoutée, le New Day qui arrive et qui dit « On rajoute une quatrième équipe, qui ça peut bien être? Qui? » Bang! Les Hardy Boys qui arrivent. Hey, Steven, ça va être sur le cul? Steven, c'était pas avec moi cette journée-là, mais il me dit « J'ai braillé deux fois pendant le show. » Fait que ça devait être la première fois. Sérieusement, je me suis levé debout, je criais dans le sous-sol. Je trouvais ça trop hot d'aller voir arriver. Matt Hardy, puis Jeff Hardy qui rentre, puis il gagne la ceinture en plus. Ben non. Il gagne la ceinture, Gallows et Anderson. Alors, le meilleur spot du match, là, ça, il faut. Matt Hardy fait un twist of fate du haut de l'échelle à Carl Anderson. Puis pendant ce temps-là, on voit juste Jeff Hardy qui arrive dans le bas de l'écran avec une échelle, la plus grosse échelle que j'ai vue dans ma vie. Genre, il arrive de même, pop, pop, pop, l'échelle par-dessus la tête comme si de rien n'était. Il grimpe là-dessus. Il saute en bas sur Sheamus, puis voyons comment il s'appelle, Cesaro, qui était couché sur les échelles. Il fait une pirouette sur le 2, l'échelle, il a un peu mal tombé, là. L'échelle à Cesaro a cassé, mais pas Sheamus. Fait que ça a comme été... Sheamus ruins everything. Mais c'est plus Jeff Hardy qui a ruined là-dessus. Mais écoute, ça a été un incroyable spot, là. Genre, juste de le voir arriver, là, comme si de rien n'était, avec sa grosse échelle, il est comme pop, pop, pop, ben oui, je m'en viens. En plus, gagne la ceinture. Matt Hardy qui prend les ceintures, ça, c'est très important tant qu'à moi. Ça va te faire un bon développement de personnage. John Cena et Nikki Bella contre Miz et Maryse. Ça a été, je pense, le deuxième meilleur match de la soirée. J'oserais dire. Tu t'attendais à rien. Non, je m'attendais vraiment à rien. Pour vrai, là, je suis vraiment surpris de ce show-là. Je m'attendais tellement à ce que ce soit tellement pas bon. Puis finalement, c'était tellement excellent comme show, là, je capote. John Cena et Nikki Bella contre Miz et Maryse, comme je disais. Miz et Maryse, Maryse n'avait pas vraiment lutté, là. Ça fait 4 mois comme qu'elle a recommencé à s'entraîner, puis ça paraît qu'elle est capable de prendre un bump, mais je pense pas qu'elle aurait été prête à faire des prises, malheureusement, à Nikki Bella. Fait que la plupart du match a été Miz contre John Cena, ce qui est pas nécessairement mauvais non plus. Miz a comme drivé la foule à la mort. Ben, c'est un gars de la Floride. De la place. Exact. Le monde, il l'encourageait full. Oui, puis il avait vraiment l'air d'avoir du plaisir. Là. C'est ça qui est cool. En tout cas, finalement, John Cena réussit à gagner la ceinture. Il n'y avait pas de ceinture en jeu. Gagner le match avec Nikki Bella. Ils ont fait un Five Knuckle Shuffle en même temps, puis un FU en même temps. Là. Fait que, nice. Finalement, il y a 1-2-3. Puis après ça, il y a eu une demande en mariage de John Cena à Nikki Bella. Ah! Fait que ça a été comme un moment cute de la soirée. Ça a été vraiment un bon match. Je pense que ça l'a fini un petit peu... Hollywood que la vient. Ouais, exact. La finale, t'es comme too much, là, un petit peu. Mais vraiment un très bon match. Moi, si vous voulez regarder un match pendant la soirée, celle-là, je vous le recommande fortement. Ça fait qu'on parle de WrestleMania Soleil. Ils ont annoncé le prochain. D'habitude, ça se fait oui, avant. Oui, je pense même, que c'est à Las Vegas l'année prochaine, si j'ai bien vu. J'ai été à Las Vegas, non? Je pense que oui. Ouais, hein. Pas certain à 110%, mais il me semble que oui. C'est WrestleMania Bouffon, moi je l'appelle, parce ah que oui, le, logo, le logo il a l'air de, comme d'un chapeau de bouffon. Seth Rollins contre Triple H, ben sans grande surprise, Seth Rollins réussit à battre son mentor Triple H. Ça a été un autre bon match, ben franchement. Il a juste entré qui était vraiment trop drôle, là, pour vrai, là. Je capotais, ah ouais? C'était trop drôle. Triple H qui arrive, là, il y avait comme 6 polices sur des motos. Puis là, on escortait Triple H, qui lui aussi était sur une moto, jusqu'au ring. Il a fait 3 fois le tour, il a fait une fois le tour du ring, en fait. Puis là, il s'est comme arrêté dans l'allée. Puis là, il faisait juste tourner sa manette. Boum, boum, boum. Il était comme, ouais, je suis un badass. Boum, boum, boum. C'est juste du vrai avec sa moto. C'était tellement colon, là. Moi, je riais. Ben ça n'avait aucun bon sens. Fait qu'en fin de compte, Seth Rollins réussit à gagner. Ça a été un bon match, encore une fois, là. Ils sont allés à peu près une demi-heure de temps, là, ce match-là. Puis ça a valu la peine. Randy Orton contre Bray Wyatt, ça a été le downside de la soirée. Randy Orton gagne la ceinture contre Bray Wyatt. À la base, j'étais un peu triste parce que Bray Wyatt, c'est son premier règne. Puis c'est comme 2 champions de transition de suite pour SmackDown. Je trouve que c'est pas gagnant pour la compagnie, ben franchement. Puis d'amener Randy Orton, qui est comme le gars le plus ennuyeux de la lutte présentement comme champion, je trouve que c'était une très mauvaise décision. Je m'éterniserai pas là-dessus. Juste peut-être dire que c'était un peu bizarre, là, parce que tout au long du match, les deux luttaient. Puis, à un moment donné, genre, Bray Wyatt faisait une prise à Randy Orton. Puis là, les lumières se fermaient. Puis là, le ring, il y avait comme une présentation PowerPoint qui apparaissait sur le ring avec genre des coquerelles, des verres de terre, des petits verres blancs. C'était dégueulasse, là, mais tu sais... C'est pas nécessaire, là. C'est comme, ouh, je contrôle les pouvoirs, pis tout, mais en tout cas, c'est gimmick match, pis c'est pas autant hot, là. Brock Lesnar contre Goldberg, hey, ça a été malade, pour vrai, là. Ça a été ça, c'est la revanche. Oui, exactement. C'est un match qui a duré, hey, à peu près 5 minutes. À peu près. Maximum, là. Ça a déjà été un peu plus long que ce que. Un petit peu plus long qu'avant. Mais, tu sais, ça a commencé très, très intense, là. Brock Lesnar est arrivé, il a fait des souplesses arrière à Goldberg, plusieurs. Puis là, il était comme, ouais, c'est sûr, je vais le battre, youhou. Goldberg est arrivé en arrière, bang, un spear. Fait que là, il part, il s'en va en dehors du ring, il pitch dans la barricade, il fait un autre spear à travers la barricade, détruit la barricade. Ouais, il revient dans le ring, il fait un autre spear, jackhammer, 1, 2, pouf, kick out. Puis là, Brock Lesnar, il est parti, puis souplesse, souplesse, souplesse, souplesse, souplesse, ça n'a pas arrêté. F5, merci, bonsoir, 1-2-3, nouveau champion. Ça a été vraiment un bon match pour vrai. Ils ont fait ça court, short and sweet, puis ça a payé parce que ça a été vraiment hot, là. Vraiment hot. Puis là, le monde, il comptait dans la foule, genre, combien de souplesses qu'il faisait, puis il a fait comme 10 souplesses au total, là, à la fin, parce qu'il criait 10 dans la foule. Fait que ça a été quand même vraiment hot. T'allais dire quelque chose? Ça contrastait avec le match d'une demi-heure qu'il y a eu 2 matchs avant, là. Exactement. Fait que ça donnait un bon souffle, un second souffle à la foule. Il reste 2 matchs, on lâche pas. Ils ont mis en avant-dernier match, ça c'est une décision qui m'a un peu surpris. Finalement, ça a été correct parce que Naomi a réussi à gagner la ceinture des femmes de SmackDown. C'est cool parce que c'est une fille de la Floride aussi. Fait que de l'avoir gagné un titre à WrestleMania, c'est vraiment très chouette. Elle revient d'une blessure. Ouais, c'est ça, elle revient d'une blessure en plus. Elle revient à gagner la ceinture. Ça a été quand même vraiment cool. Ça a pas été un très bon match, là, ben franchement, là, c'est juste. Il était 6 femmes, puis là, ben, il y en a une qui faisait une prise à l'autre, puis là, il tombait en bas du ring, puis il restait là. Non, il était 8, je pense. En tout cas, peu importe. Elle roulait en bas du ring, puis elle restait là pendant une demi-heure, puis après ça, il revenait, puis en tout cas. Fait que, en fait, quand on a réussi à gagner la ceinture, ça a été un beau moment pour la foule. Et on termine avec le match No Holds Barred entre Roman Reigns et Undertaker. Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? Ben là, moi, j'ai vu un peu les trucs passer sur Internet, mais grosse finale pour sa carrière. Ouais, grosse finale pour sa carrière. Undertaker qui perd son 2e match à vie à WrestleMania. En main event, en plus. En main event, oui. Ça a été... personnellement, est-ce que j'étais prêt pour ça? Oui, puis non. Moi, je pense que ça fait déjà... peut-être 2-3 ans que Undertaker devrait avoir pris sa retraite. Mais il continue de revenir. Tirer l'élastique. Hein? Oui, mais il a quand même réussi à livrer une performance décente. T'sais, ça a été un bon match malgré tout. Malgré que je trouve qu'il a ralenti. Puis c'est normal, rendu à 50 ans passé aussi. Là. Roman Reigns, ben il m'a fait bien rire pendant le match là, avec ses big dogs. Puis ses wouah! puis the Young Athletic the Machine. Young Athletic Machine. Les commentateurs m'ont fait vraiment trop rire pendant ce match-là. En même temps, on était un peu écœurés aussi, ça fait 5 heures là, de show là, que ça faisait. Ouais, c'est ça. Plus le pré-show de 2 heures, 7 heures de show total, ils sont malades. Shit, voyons. Oui, puis là, ils reviennent à Raw lundi pour un 3 heures, à SmackDown pour 2 heures, NXT 1 heure, 205 Live ça arrête jamais. Heure. Ça arrête jamais, là, c'est terriblement long. Il y a trop de luttes là, présentement, de 1. Mais finalement, Roman Reigns réussit à débattre Undertaker. C'est pas mal, je suis pas mal sûr que c'est son dernier match. Ils l'ont pas dit officiellement, là, mais c'est ce qui circule partout. Il est en train de faire défaire le ring, puis il avait laissé son stock au c'est milieu ça, du ring. Exactement. Là. Il avait laissé son manteau, son chapeau et ses gants dans le ring. Normalement, c'est signe qu'il a arrêté, il termine. Moi, j'aurais préféré peut-être Roman Reigns fasse un heel turn. Ça aurait valu la peine, je pense, dans les circonstances. Puis c'est un waste de faire prendre la retraite à Undertaker sans profiter de l'opportunité que ça pourrait être de monter un jeune, vraiment. Tandis que là, Roman Reigns, il reste au statu quo, là, même s'il a gagné. Il était juste là pour faire perdre Undertaker. Exactement. Il était pas là pour faire évoluer son propre personnage. Non, c'est ça, mais de toute façon, il a déjà perdu Undertaker, fait que c'était plus c'était pas impressionnant. Mais comme je disais, agréablement surpris de la soirée, j'ai eu énormément de plaisir. Puis je pense que c'est ça l'objectif à la base. Du moment que t'as du fun en regardant le show, tant mieux, man. WWE, vous avez fait un travail phénoménal avec ce show-là. Pour 5 heures de show. Pour 5 heures de show, là, moi, je n'ai eu pour mon argent. Et en plus, petite anecdote déterminée. Ben, moi, je pense que c'est le meilleur WrestleMania des 10 dernières années, ben franchement. Et petite anecdote, comme j'allais dire de fin de segment, hier j'étais chez mon ami Olivier, shout out à Olivier, pour regarder le show. Et Olivier, tu sais pas ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la liqueur au raisin. Oh shit! J'ai bu de la liqueur au raisin pour la première fois en genre 10 ans, pis j'étais vraiment content. Là. Écoute, je pense que si t'aurais vu ma face, t'aurais dit ah ouais, ça c'est un gars là, qui est content de boire. Je bois pas de liqueur moi dans la vie, mais là je me suis payé à la traite parce qu'il y avait de la liqueur au raisin. Nice! Fait que on termine notre petit snack là-dessus. Oui, à la liqueur au raisin. J'entends ta liqueur au raisin. Les fleurs en papier dont ma chambre est tapissée m'écoutent chanter ma chanson pour oublier la grisaille et inviter le soleil, je n'ai qu'à chanter. Et au plus noir de la nuit, quand chacun est endormi, il me suffit de chanter. Mon ami, la lune et moi, on va se faire une joie de vous bercer. Sapristi, sapristi! Je ne savais pas qu'Homer chantait si bien! Moi, j'en étais certaine! Voilà, j'ai chanté. Tu étais extraordinaire! Oh oui, j'ai adoré! C'était fabuleux, Homer! Les fleurs en papier dont ma chambre est tapissée m'écoutent chanter. Pour oublier la grisaille et inviter le soleil, je n'ai qu'à chanter. Et au plus noir de la nuit, quand chacun est endormi, il me suffit de chanter. Mon ami, la lune et moi, on va se faire une joie de vous bercer. Re-bienvenue, charmants auditeurs et auditrices au 17 Avenue des Pins, tout seul avec Maxime et son téléphone. Je suis sans le matériel, sans co-animateur, sans rien, parce que j'étais supposé enregistrer durant mon week-end d'impro la semaine dernière, alors que Guillaume, lui, était à Drummondville en train de faire de l'impro, lui aussi, mais séparément de moi. Et malheureusement, le son était complètement distorsionné pour une raison que j'ignore. Ce qui faisait, ce que je pense, c'est que l'ordinateur que j'utilisais avait une mauvaise carte de son. Ce qui fait que ce qui rentrait dans l'ordinateur était trop fort, ce qui faisait gricher à l'infini. Mais de toute façon, ça vous intéresse pas ça. Ce qui vous intéresse, c'est d'écouter un épisode. Donc, je prends en charge la très difficile tâche de vous occuper tout seul pour les 45 prochaines minutes, puisque vous avez pu entendre notre segment dans notre snack où est-ce qu'on parlait de lutte, Guillaume et moi, un petit nouveau segment qu'on va tenter de faire de temps en temps afin de s'alléger la tâche d'enregistrement, puisque nous allons enregistrer les lundis avant l'improvisation. Donc, assez parlé des revers techniques du 17 Avenue des Pins, car aujourd'hui, je suis toujours en train de manger un très bon croissant. Mais on va parler un peu de hockey. Très brièvement, parce que vous avez quand même parlé de... On a quand même parlé de sport récemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que vous écoutez cet épisode-là, le premier match du Canadien a lieu contre les Rangers de New York. Pour ceux qui ne suivent pas le hockey, ce sont les finales. De toute façon, je ne sais pas comment vous auriez pu faire pour éviter cette information-là. On parle juste de ça, les séries ces temps-ci dans les journaux. Mais quoique, pour être franc, j'ai vu plusieurs premières pages journal qui semblent montrer d'autres nouvelles, dont des trucs de meurtriers, ce qui n'est pas vraiment le fun. Je préférerais que toutes les premières pages de journaux soient en train de parler du Canadien comme ça l'est d'habitude, mais bon. C'est quand même la première série et on part avec un léger avantage, je crois. Une confiance certaine. Le Canadien a eu des hauts et des bas cette saison-ci, mais il a définitivement commencé sa saison très haut et a descendu en cours de route, évidemment. Mais depuis le changement d'entraîneur au sein du tricolore, l'équipe est revenue un peu à sa gloire de début de saison. Ce qui me fait penser qu'ils vont effectivement gagner leur première série contre les Rangers de New York. Fait que là, je vais vous raconter un peu mes prédictions pour tous les matchs de la Ligue nationale, parce que une série, c'est 16 équipes, 8 dans la conférence de l'Est et 8 dans la conférence de l'Ouest, c'est-à-dire l'Ouest américain et canadien, l'Est étant l'Est canadien et américain, avec des équipes comme Montréal et Toronto, et dans l'Ouest, des équipes comme San Jose et Vancouver. Et donc, il y a 8 matchs différents qu'on va pouvoir suivre au cours des deux prochaines semaines, car pour remporter une série, il faut remporter un 4 de 7. Donc le premier de chacun des rencontres qui va remporter 4 matchs va passer à la ronde suivante. Commençons dans l'Ouest, parce que probablement que vous connaissez un peu moins les équipes, fait qu'on va terminer avec un peu plus intéressant, c'est-à-dire l'Est, ceux qui vont affronter le Canadien tout de suite après s'ils réussissent à battre les Rangers de New York. Tout d'abord, dans l'Ouest, nous avons la première position. Est-ce que c'est la première position? Ouais, c'est ça. La première position qui affronte la wild card, ça veut dire le meilleur troisième. Là. Je connais pas exactement les règles, mais bon. Il affronte une équipe plus basse, sensiblement moins bonne. C'est-à-dire Nashville. Mais c'est très fort dans l'Ouest. Et Chicago est une équipe qui a gagné la coupe récemment, si je dirais même l'année dernière, je crois. Alors que Nashville, je me souviens pas si on gagné la coupe même déjà une seule fois. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, mais qui malheureusement est pas nécessairement pas autant de calibre ou de force en série. Alors, parce que les séries, c'est un jeu complètement différent de la saison, parce qu'il y a beaucoup plus d'intensité et plus d'enjeux. Donc il y a des joueurs qui choquent, puis des joueurs qui sont vraiment meilleurs. Donc, je donne l'avantage à Chicago parce qu'ils ont fini premier de la Ligue, soit avec le plus de points dans les 30 équipes. Et en plus, ils ont plus d'expérience que Nashville. Donc, selon moi, ça va être une série qui va quand même avoir des bons matchs, des défaites quand même, des Blackhawks, je pense qu'ils sont pas parfaits non plus. Mais ils ont définitivement l'avantage et en 6 matchs, ils vont passer à la deuxième ronde. Ensuite, c'est un match Minnesota-Saint-Louis, c'est-à-dire le Wild contre le Blues de Saint-Louis. Des équipes que j'ai pas vraiment vu jouer cette année, mais je sais que le Minnesota a fini deuxième. Personne ne les voyait là. En début de saison, en tout cas, je veux dire. Et je vais y aller avec la logique et dire que Minnesota va encore surprendre et continuer leur momentum et passer Saint-Louis. Ensuite, Calgary-Anaheim. Le fun ici, c'est qu'on a une équipe canadienne qui n'a pas fait les séries depuis un bon moment et qui sont sur une très bonne lancée. Donc oui, Anaheim a fini premier dans sa division. Une équipe très forte, on va se le dire. Mais je pense que Calgary va être l'équipe Cendrillon pour cette première ronde et qui va passer Anaheim. De justesse, en 7 matchs, ils vont s'en rendre jusqu'au bout de la série, mais leur cœur vont les amener un petit peu plus loin. Et un autre truc intéressant, une autre équipe canadienne qui s'est rendue en série, Edmonton, avec des très jeunes joueurs, des joueurs qui veulent tout gagner, qui veulent tout prouver parce qu'ils sont en début de carrière, qui jouent contre San Jose, une équipe plus vieille, qui risque d'avoir de la misère à les suivre avec leur vitesse et qui vont sûrement manquer de jus, à mon avis, malgré leur expérience. À mon avis, ils n'auront pas l'énergie nécessaire à passer Edmonton. Et on aurait Edmonton qui passerait en deuxième round, eux autres aussi. De toute façon, on revient dans l'Ouest. Comme j'ai dit, je pense bien que Montréal va réussir à passer les Rangers. Ça va être un match, une série quand même serrée, mais je pense que le Canadien va quand même remporter ça en 6 matchs. Ça va pas se rendre en 7, à mon avis. Ce sera pas en 5 non plus, pas en 4, mais en 6 matchs, je suis pas mal certain que le Canadien va réussir à triompher. Ils sont sur une très bonne lancée, Carey Price est à son meilleur. Et je pense qu'on est dans une des deux années où est-ce que Carey Price va remporter sa Coupe Stanley. S'il pourra remporter une dans sa carrière, c'est cette année, l'année prochaine, l'année d'après, mais on est dans les 3 années où est-ce que Carey Price pourrait gagner. Ensuite, Ottawa-Boston. Encore une équipe canadienne. 4 des 5 équipes canadiennes qui participent en série que j'ai déjà parlé. Et il y a 8 équipes canadiennes. C'est quand même une très bonne moyenne. Qui apprend Boston. Là, ici, c'est pas facile. Parce que Boston sont gros, sont forts, mais leur saison a été très chaotique. Un peu comme le Canadien. Mais je sais pas à quel point ils ont réussi à revenir de leur chaos. Parce que c'est eux qui ont congédié leur coach pour une solution de remplacement, alors que le Canadien est clairement allé chercher une solution. Eux, ils ont aidé à remplacer un problème. Fait que je pense qu'ils sont peut-être pas aussi solides que le Canadien. Ils vont peut-être se faire passer par Ottawa. Qui vont, OK, là, j'ai fait tout gagner les équipes canadiennes, vous allez me le dire. Mais c'est pas grave. Moi, je vais donner mon vote à Ottawa. Je pense que Boston va l'échapper, malheureusement, malgré leur expérience et tout. Je pense que ils n'auront pas assez de cohésion pour réussir à passer en deuxième ronde. Ensuite, un match, probablement celui qui va être le plus facile de cette première ronde, c'est-à-dire Washington-Toronto. Toronto a réussi à rentrer par la peau des fesses jusqu'au dernier match presque. On se demandait s'il allait faire les séries. Et Washington a fini premier. Washington, c'est probablement leur grosse année. Sauf que ça fait plusieurs années qu'on dit ça, que c'est leur grosse année. Ils ont Ovechkin, un des meilleurs joueurs de la ligue, puis beaucoup d'autres très bons joueurs. Ils vont vite, ils comptent beaucoup. Ils ont une défensive un peu meilleure que les dernières années. Ils n'ont pas fini premier pour rien. Mais on verra plus tard s'ils vont s'en plus loin. Mais c'est sûr qu'ils vont passer Toronto. Je vois pas Toronto battre le Capitals. Ça serait un miracle. C'est pour vrai, s'il y avait une équipe Cendrillon, ça serait bien Toronto, mais je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour le faire. Quoi qu'avec l'énergie du désespoir, on sait jamais. Et finalement, le dernier match de première ronde, Pittsburgh contre Columbus. Pittsburgh, très très forte équipe, mais qui est un peu maganée. Des joueurs qui reviennent de blessures comme Malkin, si je ne me trompe pas. D'autres qui vont manquer le début des séries. Je pense qu'il va y avoir trop de mouvements et qui vont rencontrer un mur parce que Columbus a joué extrêmement fort durant l'année et ont un momentum de fou. Moi, je pense que le momentum va réussir à les passer devant Pittsburgh. Malgré que Pittsburgh a sur papier des meilleurs joueurs, je pense qu'il va avoir. Ils n'auront pas ce qu'il faut. Un peu comme Boston, je pense pas qu'ils auront la cohésion qu'il faut pour passer en prochaine ronde. Et ça aussi, je pense que c'est un match qui va se rendre en 7. Fait que là, selon mes prédictions, on se ramasse en deuxième ronde avec Chicago contre Minnesota, Calgary contre Edmonton, Montréal contre Ottawa, puis Washington contre Columbus. Donc, on va repartir dans l'Ouest. Chicago-Minnesota. Je pense que Minnesota, mais déjà, je les connais pas assez, je vous l'ai dit. Mais je pense que Chicago, ils ont l'équipe, ils ont l'expérience, ils savent où est-ce que ça va. Ils vont dominer. Ils vont dominer cette série-là. Parce que Minnesota vont devoir travailler très, très fort s'ils veulent réussir à passer Chicago. Mais je pense pas que c'est l'équipe qui va être capable de le faire. Je pense que c'est deux équipes qui se connaissent assez pour que Chicago savent quoi faire pour passer devant Minnesota. Ensuite, Calgary Edmonton, c'est le fun. Une équipe, un match-up complètement canadien. Fait que peu importe ce que je choisis, c'est sûr que ça va être l'équipe canadienne. Et je vais y aller avec Edmonton sur papier. Meilleure équipe, des meilleurs joueurs, des joueurs plus jeunes, des joueurs plus rapides. Alors que j'ai donné la victoire Cendrillon en première ronde à Calgary, je pense qu'ils vont perdre malheureusement contre une équipe de jeunes qui, par la bande, est un peu Cendrillon aussi parce que c'est rare que tu aies des équipes de jeunes qui se rendent loin. Donc, je vais donner le point à Edmonton parce que selon moi, leurs jambes, puis leur vigueur, puis leur fougue, leur imagination sur la glace va triompher de Calgary qui a eu un peu de misère durant l'année. Dans l'Est, Washington-Columbus, j'y vais avec une très grosse prédiction. Je dis que Columbus va battre Washington. Washington, il y a beaucoup de gens qui les voient gagner la Coupe cette année. Je pense qu'il va y avoir une autre déception. Washington sont pas très constants en série. Je pense que Columbus va réussir à les passer. Puis ça serait vraiment, vraiment incroyable. Moi, je serais vraiment content de voir ça. Une équipe qui, en début d'année, on n'aurait jamais vu en finale de conférence. Bang! Passer Washington, ça serait incroyable. Et finalement, Canadiens-Ottawa, je pense pas que Ottawa a ce qu'il faut pour passer derrière Carey Price, le meilleur goaler. Puis je pense que une fois que le Canadien va avoir passé leur première ronde, le stress du Canadien va être tombé. Puis ils vont être vraiment en meilleure position pour focusser et continuer plus loin. Puis je pense que vraiment, des joueurs comme Radulov et Biron vont réussir à supporter l'équipe lorsque les gros joueurs. Excusez-moi. Mon bacon. Lorsque les gros joueurs vont peut-être réduire un peu le régime, les autres deuxième, troisième trio vont rentrer, puis Radulov, Biron vont réussir à compter des points, peut-être même un retour de Galchenyuk qui va faire des gros buts. Je pense que les Canadiens, c'est une équipe qui est très balancée. Il y a tous les joueurs qui comptent des points, puis je pense qu'on va voir ça dans la série contre Ottawa. Tous les joueurs vont compter des buts, puis c'est comme ça qu'ils vont réussir à passer en finale de conférence. Donc, en finale de l'Ouest, on a Chicago-Edmonton. Et en finale de l'Est, on a Montréal-Columbus. Dans l'Ouest, je donne mon point à l'équipe Cendrillon de Edmonton. Je sais que Chicago a l'expérience, mais je pense toujours que la créativité et la jeunesse d'Edmonton vont réussir à passer devant Chicago, qui vont peut-être prendre ce match-là un peu pour acquis. Cette série-là pour acquis, vu que Edmonton a quand même des jeunes joueurs, ils vont se fatiguer, et peut-être qu'ils vont avoir donné trop en première et en deuxième ronde. Ils savent pas encore comment jauger leur énergie, puis paf, Edmonton va passer en finale de la Coupe Stanley contre Montréal qui va battre Columbus, qui ne saura pas comment vaincre le Canadien. On sait que Columbus a planté le Canadien solide en saison, mais je pense que ça va être ça le gros problème de Columbus. Ils seront pas prêts à affronter le Canadien parce que le Canadien va vouloir vraiment se venger de ce qui s'est passé en saison. Puis je pense qu'ils vont encore doubler encore plus d'ardeur pour réussir à passer Columbus puis revenir des défaites humiliantes qu'ils ont eues cette année. Je ne me trompe pas, si Columbus avait gagné 10-0 contre Montréal. Ça, sérieusement, je pense que ça va être une série très violente, très longue, mais que le Canadien va se venger et se rendre en coupe de la finale à Coupe Stanley. Une finale qui, selon moi, serait complètement canadienne. Edmonton contre Montréal. Et je vais donner mon point à Montréal parce que je prends pour le Canadien. Mais pour de vrai, si ça se rendait là, je ne saurais vraiment pas pour qui prendre. Mais si Edmonton réussit à passer Chicago, je pense que les jeunes là vont vraiment être rendus très fatigués parce que réussir à passer San Jose, je pense que ça va être un peu plus facile, relativement facile, vu que San Jose ne serait pas nécessairement une équipe rapide. Calgary va leur demander quand même de l'effort, mais Chicago va leur demander beaucoup d'effort parce que c'est une très bonne équipe. Puis je pense que c'est ça qui va leur faire mal, puisque arriver en série, ils vont être plus fatigués que le Canadien parce que Columbus, c'est une équipe moins forte que Chicago. Donc, Tout ça mis ensemble, je pense que le Canadien, en plus que Carey Price, ça semble être son année, je pense que le Canadien va gagner contre Edmonton en finale de la Coupe Stanley. Donc vous, est-ce que vous aussi, vous avez des prédictions un peu loufoques, des prédictions qui ressemblent aux miennes, qui sont complètement différentes des miennes? Est-ce que vous trouvez que je suis un méchant malade, un maudit fucké de penser des affaires de même? What the fuck, la Coupe Stanley à Montréal, ça fait quoi, 25 ans qu'on n'a pas vu ça? Venez me le dire sur la page Facebook. J'aimerais ça savoir c'est quoi vos brackets à vous. On pourrait peut-être se faire un challenge de bracket là, sur NHL.com. On verra bien. Mais bref, je vais terminer ce segment en vous disant go Habs go, bonne chance aux Canadiens. Je sais pas, ils sont en train de jouer en même temps que je parle. Fait que je sais pas c'est quoi le score en ce moment. Mais j'espère bien une première victoire de Montréal à Montréal contre les Rangers en ce premier match de la Coupe Stanley. Et on se dit à bientôt après une courte pause au 17 Avenue des Pins. Merci les cailloux, à tout de suite. Sûrement pas, Maxime et Guillaume ne sont pas leur premier projet avec le 17 Avenue des Pins. En effet, lorsqu'ils étaient plus petits, ils faisaient des vidéos comme les Chicken Swell qui s'appelaient les Pick and Pell. On en a déjà parlé quelques fois. Mais un peu après ça, on a fait un projet sur YouTube qui s'appelait Ce show qui s'appelle Castor, qui voulait être un mélange de sketch comme les Chicken Swell et de vlog qui était la mode à l'époque popularisée par Gabrois. Donc, je vous invite aujourd'hui, par manque de temps de créer du nouveau contenu, d'écouter une version audio du premier vidéo de ce show qui s'appelle Castor tout de suite, maintenant. Donc, je vais laisser la fin de l'épisode sur ce merveilleux segment et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Chardon des petits cailloux, bonne écoute et à la semaine prochaine! Hey, salut, bonjour! Salut! Hey! De la place. Hello! Hey. Bonjour, bienvenue à ce show qui s'appelle Castor, le seul show où vous ne verrez pas deux gars en train de boire des clémentines. Voyez, on ne boit pas de clémentines. Voilà. Ah, oh, puis pour nos cheveux, hein, regarde, on est en train de penser à ça. Là, on travaille là-dessus. Ouais, on travaille là-dessus. Là. Vous ne devriez plus nous voir avec ces têtes-là. Non, vous devriez plutôt nous voir avec des têtes comme celle-là. Ou celle-là. Puis peut-être même celle-là. Mais sûrement pas de même. Pis pas comme ça non plus. Surtout pas. Si vous reconnaissez là-dedans, ben... Bon ben pour l'instant, je vais tout simplement mettre ma tuque. Mon chapeau. Là vous allez dire genre, le orange chaffite pas avec le rouge. Je suis là pour être beau, moi. Ah, pis on vous l'a pas dit. Moi c'est Guillaume. Moi c'est Maxime. Vous nous reconnaissiez, c'est nos noms, respectivement Guillaume et Maxime. Tu seras du compte, tu fais comme une minute et demie qu'on roule. Ça fait déjà une minute et demie. Hey, je te jure, regarde, j'en reviens même pas. Ça fait quand même longtemps, puis on n'a pas fait grand chose. Ben, on a quand même parlé de nos cheveux. Ouais, puis on a dit nos noms. Pis... Penses-tu qu'ils se souviennent de nos noms? Peut-être. On devrait peut-être essayer, genre, un quiz. Oh, c'est l'heure du quiz! Alors, cette semaine, les deux questions qui pourraient vous rapporter 150 millions de dollars! Non, première question. Vous voyez cet homme? Nommez son prénom. Pas de chance! Non. C'était Maxime. Maxime, je suis Maxime. J'aurais dû vous en rappeler pourtant. Nous l'avions dit au tout début de cette vidéo. Oui. Quel est son nom? Dommage, non. Vous l'avez encore manqué, c'était Guillaume. C'est aussi simple que, je regarde... Que Marteau. Marteau, Guillaume, oui. C'est presque pareil. Ça va faire 3 minutes. Ah, regarde, c'est l'enfant. Ah, puis là, je pensais aussi vous parler du fond. Ouais, le fond que je trouvais assez divertissant et original. En fait, on savait pas trop quoi prendre comme fond. Fait qu'on a fait plusieurs essais. On peut vous les présenter maintenant. Là. Ouais, c'est un bon récapitulatif de ce qu'on a fait pendant la journée pour pouvoir arriver à ce show qui s'appelle Castor. Récapitulatif. Hey, puis à part de ça, là, ce show s'appelle Castor. C'est quoi que t'as pensé, toi? Ben. Fuck you, man! Fuck you! Ouais, va-t'en pas, je pensais pas te. Hein? Bon, ben. Faites de la peine. C'est sympa, mon frère, ça va être. Là, bon, ça risque de conclure pas mal notre semaine. Fait que. Ça roule, ça Au roule, cours de la prochaine semaine, probablement que. C'est quoi qu'on va faire, là? là. Ben, on va sûrement ajouter une vidéo, là. On va se filmer. Non, mais à part faire des vidéos, Ben, je risque de manger 3 repas par jour, aller aux toilettes plusieurs fois pour vider mon contenu digestif. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait. Comme. Que les téléspectateurs fassent. Je sais-tu pas, moi, ils s'en calissent de ma marde. Je veux dire, je vais chier, pis ils vont pas prendre en photo ma marde, là. Ça a aucun rapport avec mes habitudes quotidiennes. Non, pas comme cette femme. C'est donc ben pas le temps de la plugger, genre. Je sais que tu me dis, oh, regarde, je vais la plugger dans la vidéo, mais t'as tellement pas choisi ton moment, là. Mais ça fitait pas pantoute. Ah, c'est tout le temps que nous avions. Sur ce, je vous dis salut. Ouais, salut. Quand même pas si mal. Ouais, ça se fait bien. Ça fait bien. Ouais. Ça fait comme on a une vidéo d'à peu près, si je me trompe pas, ça devrait Ça fait ressembler à 5 à peu minutes et près 5 demie, ça. minutes là, Ouais. dans ce coin-là. Attends, la vidéo, il roule encore. Mais non, on vient de finir, on a dit qu'on avait fini. Non, mais ça coûte, j'ai pas implanté le programme reconnaissance arrêté.exe. Ben non, le vidéo, il s'arrête pas là. Reconnaissance arrêtée.exe. Oui, c'est pour que mon logiciel reconnaisse que quand on dit arrêter, la vidéo arrête. Mais ta Je l'ai pas gueule! implanté. Ta gueule! T'es pas capable de faire ça, toi! Mais non, mais je l'ai pas encore fait! Fait que Tu le. l'as pas fait? Non, le logiciel, il a pas compris, genre, qu'on avait arrêté. Fuck! Il Mais là, roule. c'est quoi qu'on fait, là? Mais attends, C'est... là, d'habitude, il est comme un piton, là. Arrête. Non, Non, mais t'en vas fouiller, je là. vois pas de piton arrêté. Si on clique là-dessus... Non, Hein? ça marche C'est que pas! tu fais avec les photos de... Non, t'es pas à bonne place. Attends. Tu m'avais pas dit ça, hein? Peut-être qu'il faut sortir de l'écran, genre. Comment? Genre nos pouvoirs, genre nos pouvoirs de glace, là. Oh ouais! Ça, à 3 ou à go. Parce que ça dépend, là, tu sais, si on fait 1, 2, 3, puis là, il y en a un qui commence, puis là, l'autre, il pensait qu'on allait dire go, ou le contraire. On va juste sortir de l'écran, en fin de compte, ok? Ok. Ça roule encore. Ça roule encore. Et tabarnak! Ben là, c'est que, je sais pas si tu comprends, là, mais ça va faire comme 2 minutes ou... Non, pas en tout. Oui, à peu près 2 minutes, là. Deux minutes. Eh oui, 2 minutes, C'est ça même va. plus long que ça, notre vidéo. Mais non, mais 2 minutes qu'on est supposé être fini, Oh, là. Claire. Tu sais ce qui se passe quand on fait une vidéo de 9 minutes 42? Non? L'Internet explose! L'Internet? Ben oui, l'Internet Mais non, explose! l'Internet, c'est pas relié à notre vidéo. T'es malade, je te le dis, je l'ai lu sur Facebook. Ben oui, sur Facebook. Après ça, tu iras me dire que tout ce que Yvon Deschamps, ma soeur, un truc chez la fin du monde, il dit c'est vrai. Ben oui, tout ce qu'Yvon Deschamps il dit, c'est vrai. Quand il le met sur Facebook. Tu Mais comprends pas qu'on peut pas mettre de menterie sur Facebook. tu comprends pas que l'autre jour j'ai lu que les Canadiens allaient gagner la Coupe Stanley? Tu marques un bon point. Fait que ça exploserait pas notre vidéo. Ben, sûrement pas, là. À moins que t'aies eu des preuves, genre plus que 30 j'aime. Hein? Ouais. Hein, regarde, ça clignote en bas. Puis ce que ça Attends, fait quand on va ça aller mettre clignote. la souris dessus. Enregistrer. Peut-être que si tu cliques dessus, ça va faire l'opération inverse. Tu croirais-tu? Bien, mettons que je clique dessus, là. Ça fait pas l'inverse. L'inverse. L'inverse de quoi? L'inverse de toi, là. Ça fait pas un Emuyog. C'est qui ça? Ben, Guillaume à l'envers. L'inverse de toi. Fais ce piton. Une petite fille oubliée, une jupe plissée.

Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Au printemps 66, je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait, quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Oh, they call me Mellow Yellow. Oh, oh. Mm-mm. Maintenant j'ai une guitare et je voyage organisé. Je me lève tous les jours trop tard et je vis aux Champs-Élysées. Je suis parti je ne sais où mais pas où je voulais aller. Dans ma tête y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés, des airs qui partent en fumée. Des trucs qui me collent encore au cœur et au corps. I'd be safe. Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale et RZO. Une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.